Ouais, Nathan. Juliano. De la course de cité. Nouveau son 2009. Ouais. Avec notre flow hardcore qui fait péter l'aiguille de ton ampli. À côté de nous, vaut mieux que tu te replies. Diabolique de la première à la dernière. V'là que je lance mon couplet. Peut-être pas parfait, mais t'inquiète, ça va te donner envie de bouger. Note son style qui te monte au crâne. Vénère que tu sais pas, t'es super. Tes cheveux à la Zidane. Vas-y, remballe, j'te balance mon texte comme une rafale de balles. On fait pas partie de ceux qui pensent qu'à tirer sur leur queue. Arrache pas tes cheveux, c'est pas notre faute si tu rappes comme un crasseux. Ce son c'est pour ceux qui sont vrais, qui sont frais, qui pensent pas qu'à se la péter. Ouais. J'aimerais dire qu'ici la vie est brillante, offrons-nous victime de maltraitance. Comment changer la vie déroulante, comme une pierre qui roule sur une pente. Délinquance de cité, on fait pas exprès, mais c'est notre façon de nous exprimer. Désolé, mais pour nous rattraper, va falloir bosser, car ça va être compliqué. Tout ce qu'on fait, ça le fait, ouais. J'aimerais bien dire qu'ici la vie est brillante, au fond de nous, victime de maltraitance. Comment changer la vie déroulante, comme une pierre qui roule sur une pente. Délinquance de cité, on fait pas exprès, mais c'est notre façon de nous exprimer. Désolé, mais pour nous rattraper, va falloir bosser, car ça va être compliqué. Tout ce qu'on fait, ça le fait, ben ouais. Délinquance, mec. Ouais. On est là pour nous exprimer, pour faire comprendre notre solidarité dans la cité. On n'est pas tous parfaits, mais faut tout pour faire un monde. On n'est jamais trop de monde. Nathan, Juliano, ici pour laisser notre trace. Tu remarques qu'on n'est pas des bâtards. Parasites contre les blédards. Quand je suis lancé, impossible de nous arrêter. Notre flow se fait, devient de plus en plus parfait. À toi enculé, évite de nous chercher. Notre cité, tu seras buté, allongé, faminé. On est toujours OP, délinquance de cité. Ici pour se faire respecter. Consommation de shit, merde, là les flics, contrôle d'identité. Les premiers dans les rangs, c'est des enculés. Premier à t'entasser, à ramasser ce que tu fumais. Premier à consommer, le message est passé. Veuillez faire votre travail sans discriminité. Ouais. J'aimerais bien dire qu'ici la vie est brillante, au fond de nous, victime de maltraitance. Comment changer la vie déroulante, comme une pierre qui roule sur une pente. Délinquance de cité, on fait pas exprès, mais c'est notre façon de nous exprimer. Désolé, mais pour nous rattraper, va falloir bosser, car ça va être compliqué. Tout ce qu'on fait, ça le fait, ouais. J'aimerais dire qu'ici la vie est brillante, au fond de nous, victime de maltraitance. Comment changer la vie déroulante, comme une pierre qui roule sur une pente. Délinquance de cité, on fait pas exprès, mais c'est notre façon de nous exprimer. Désolé, mais pour nous rattraper, va falloir bosser, car ça va être compliqué. Tout ce qu'on fait, ça le fait, ouais. Délinquance de cité, mais 2009.